36. La culture socialisée. Lu par David. La culture socialisée. Le parallèle entre Wolfgang et Brianna démontre qu'en la matière, l'Internet n'a rien suscité de neuf. N'en déplaise aux ayants droit, le désir de copie et de partage participe au plaisir tiré de la musique. C'est d'ailleurs la thèse du musicologue Peter Tsandy. Depuis toujours, l'écoute est un vol toléré, comme l'écrivait un des fils de Bach. C'est une appropriation par l'auditeur. Toute écoute provoque une pulsion de partage, d'échange. C'est hypocrite de la considérer comme un face-à-face entre un auteur et un auditeur. L'écoute se pense à trois. L'œuvre, un auditeur et un deuxième auditeur. Car le premier a forcément envie de transmettre, donc de voler. Cette appropriation et cet échange sont à la base des écoutes les plus sauvages comme des plus savantes. Voilà le désir de partage érigé en principe même de la consommation musicale et, plus généralement, de toute consommation artistique. Rares sont les pratiques culturelles solitaires. On peut écouter un disque au casque, mais la culture est avant tout socialisée. Dans un même lieu, bien sûr, avec les concerts, les salles de cinéma, les soirées ou la lecture publique. Mais aussi et surtout, dans des lieux ou des temps différents, où le commentaire, la critique et l'échange de points de vue forment le lien indispensable à l'appropriation collective d'une œuvre. La copie que l'on donne, l'emprunt que l'on fait, ne sont que les supports de ce lien existant entre les membres d'une communauté réunis autour d'une œuvre. Les pratiques culturelles tissent une somme d'interactions entre des personnes, loin des auteurs, des éditeurs, des producteurs. Le bouche-à-oreille, tant prisé par les marchands de la culture, est aussi et avant tout un corps à corps. Il prend cher dans la reproduction et la circulation des œuvres elles-mêmes. Les nouvelles technologies ont démultiplié les possibilités de partage. Tous les jours, partout, des DVD gravés sont donnés, des fichiers musicaux sont expédiés par email, des photocopies circulent. Parfois, un livre ou un disque est acheté, pour soi ou pour offrir. Mais ce n'est qu'un effet second, dont la relation non marchande demeure le fondement même des pratiques d'échange. Face à cette réalité, il y a toujours eu deux types de réactions. La première consiste à refuser la sauvagerie de ces consommateurs qui pratiquent le pillage avec gourmandise, en multipliant les mesures policières contre la copie, en érigeant des péages partout où c'est possible. La seconde, plus lucide, accepte ou encourage la circulation non marchande des œuvres, quitte à trouver des moyens indirects d'assurer des revenus aux auteurs.